avec Didier Bougon pour l'athlétisme. Alors, qui c'est que l'on a encore comme invité ce soir au téléphone? Nous avons Meneur Yémoni qui est le second du semi-marathon. Hein. Je pense que ça devait être sa première participation sur une distance si longue. Alors, ce qui me fait un petit peu de Mounir, c'est que c'est un coureur maintenant qui est un petit peu, comme il a dit, je suis à la retraite, je fais juste ça pour m'amuser, et quand même il termine deuxième quand même de ce semi-marathon pour une première participation. On voit que le coureur international que connaît eh bien, il est toujours affûté, Didier. Bon, ouais, c'est-à-dire que je l'ai vu partir. Hein. Le premier de Asco Marguerite est parti en tête et Mounir est resté derrière, caché, 8e, 10e, et il a fait sa course prudemment, puisque c'était vraiment une première pour lui sur une si longue distance. Je crois bien qu'on l'a au téléphone même, Mounir. Allô? Oui. Oui, bonsoir Mounir, merci d'être présent avec nous. Hein. J'étais en train de résumer vite fait, hein, parce qu'on a peu de temps. Ta course, tu as été prudent dès le départ, tu es parti dans les 8-10. Et ensuite, progressivement, tu es revenu après le 10e kilomètre. Oui, Didier, t'as bien résumé. Je suis parti prudemment parce que c'était déjà dans un premier temps la première fois que je fais un semi-marathon et je suis venu me faire plaisir et faire aussi honneur à l'organisation, à la Cavaillon. Je sais que c'était un très, très bon semi et donc je suis parti de manière progressive. Je suis parti dans les 7-8e place, et je suis revenu à partir de 3e-4e kilomètre dans le 2e-3e dans le groupe, et puis je suis parti à la chasse sur tout le parcours de manière solo, à revenir progressif. J'avais à peu près une 45 de retard au milieu du parcours, et je suis revenu à 15 secondes. Donc, pour un premier semi-marathon sans vraiment trop de préparation, j'étais très satisfait et d'ailleurs très bonne organisation dans l'ensemble. Bonsoir, c'est Fred Mounir. Dis-moi, ouais, c'est ta première participation. La dernière fois, c'est vrai qu'on remonte un petit peu en arrière. Hein. On était chez Christine Bardel. Christine Bardel. Ou c'est du côté de Villebaronnie où tu m'as dit, je me souviens un petit peu de notre interview. Je suis maintenant retraité. Je fais que de la course à pied pour me faire plaisir. Mais n'empêche que derrière, quand même, tu es toujours compétiteur. Ça ne part pas, ça. Hein. Quand on fait une course, c'est pas pour gagner, mais pour essayer de faire le meilleur de soi-même, de donner le meilleur de soi-même. Exactement, c'est bien ça. C'était un peu la discussion qu'on a eu aujourd'hui. Moi, je me cours surtout pour le plaisir et transmettre un petit peu. Et aussi, ce jour-là aussi, je suis venu pour me faire plaisir. Je pense qu'il y a tout le temps des restes que... Il y a quand même une grosse préparation pendant ma carrière professionnelle. Aujourd'hui, avec quelques petits entretiens, je fais des performances plus ou moins sympathiques. Mais l'idée, c'est aussi de partager des bons moments dans des bonnes organisations comme ça. Il y a aussi tout le temps, après l'effort, le réconfort, une belle troisième mi-temps qui attendait derrière. Et bon, voilà, je me suis fait plaisir et j'ai partagé ce moment avec la famille de la course à pied. Et comment tu as pu gérer un petit peu parce que c'est pas du tout ta distance. Est-ce que 21 km, bon, c'est sûr que tu les as dans les jambes, c'est même pas la peine. Mais pour gérer un petit peu une course comme ça, de longue distance, parce que clairement, tu es un spécialiste de la piste, des courtes distances, où c'est que l'effort est intense, quoi, je veux dire. Oui, bien sûr, là, aujourd'hui, l'une de mes grosses qualités, c'est ce qui a fait un bon équilibre sur la course, c'est que je suis vachement patient et j'ai équilibré mes courses. Et c'est vrai que sur longue distance, que j'ai pas l'habitude, je suis vraiment parti prudemment. Et c'est aussi de temps en temps, quand tu connais pas la distance, c'est apprendre à la connaître progressivement, parce que j'ai les cartouches que j'ai fait avec mon expérience, même si c'est sur d'autres distances. Mais c'est ce qui je suis parti avec un petit peu le frein à main dans un premier temps, et progressivement j'ai monté un petit peu le rythme pour ne pas se mettre dans le rouge, et j'ai même terminé plus vite la deuxième partie du semi-marathon. Je me suis mis une petite référence, même si je pense que j'aurais pu courir un peu plus vite avec un peu plus de risque, mais je me suis mis une première petite référence pour me faire plaisir, et par la suite, peut-être qu'un jour, je ferai une préparation un peu poussée pour aller courir à moins de... Là, j'ai fait un chrono en 1h12-26, peut-être que le prochain objectif, si je prépare un peu plus, je cours à moins d'1h10 facilement sur une préparation plus spécifique ou avec un peu plus d'expérience sur la distance, on va dire. Bien joué, ouais. En tous les cas, Gaëtan dans le temps, je te félicite quand même tu as failli, hein, parce que 15 secondes de revenir, reprendre pratiquement 8 minutes 35 de retard, hein, si j'ai bien calculé, c'est énorme. Alors, oui, dans le même mois, j'ai revu dans le dernier, on va dire vraiment 500 kilos, j'ai revu parce que j'avais un pointage tout au milieu de parcours où j'étais pratiquement à 2 minutes derrière. Et puis c'est vrai que petit à petit, moi j'ai bien géré ma course et à la fin, lui était plutôt dans une déperdition et bon, il s'y manquait quelques mètres de plus. Mais moi, dans l'ensemble, j'ai vraiment optimisé vraiment mon effort, mais j'étais surtout venu pour me faire plaisir et partager avec, comme j'ai dit, les amis de la course à pied et derrière, passer un bon moment. C'était pas trop dans un état d'esprit compétitif, mais comme tu as l'esprit compétitif, il y est toujours. Donc, quand tu es dans l'épreuve, tu te fais plaisir avec l'esprit compétitif. Alors, Mounir, on va devoir te laisser parce qu'on doit appeler Maria Lemuel, puisqu'elle est en pleine préparation de marathon pour le championnat de France à Melun-Sénart. Merci encore de ta participation. Merci à vous, merci à l'équipe Fly FM qui, je vous dis à très très bientôt. Très bientôt. À bientôt. Merci Mounir. Merci encore et félicitations. Bravo Mounir. Eh bien, bravo DJ, alors mais continuons. Oui, oui. Ce soir, alors, on est en plein débat. Alors, il parle en même temps. Alors, Maria Lemuel qui est en pleine préparation pour son championnat de France de marathon qui a lieu le 1er mai à côté de Paris, à Melun-Sénart. Alors, on va demander à Maria avait fait une très grosse séance le jeudi, 3 fois 5000 mètres. Donc, elle n'avait pas récupéré de cet effort du jeudi. Alors, juste avant d'avoir. Comment c'est son prénom? Maria Lemuel. Maria Lemuel. Maria. Maria. Voilà. Alors, avant d'avoir vétérane, Maria, non, c'est une vétérane. Dis-moi, Henri, un semi-marathon, ça te fait peur? Un semi-marathon, ça te fait peur? Oui, c'est vrai, c'est une distance que tu fermes d'essayer. Okay. Allez, on a Marie. Maria. Au téléphone. Maria. Bonsoir, Maria. Allô. Bonsoir. Bon, on a peu de temps. Je t'avais promis de venir et de t'appeler. Félicitations, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure à l'antenne, il y a peu de temps, tu avais fait une très grosse séance jeudi sur 3 fois 5000 mètres. Pleine préparation aussi pour le marathon de championnat de France qui a lieu le 1er mai à Melun-Sénart. Comment as-tu vécu ce semi-marathon à Cavaillon? Eh bien, très bien en fait. Très bien. Au départ, un peu sur la retenue, puisqu'en fait, la semaine a été très dense au niveau entraînement. Et donc, c'est vrai que le samedi, petit footing, j'avais les jambes qui étaient un peu très ramollies en compote. Je me suis dit, ça va être terrible, la séance de dimanche, donc le semi-marathon de Cavaillon. Je me suis dit, ça va être terrible. J'ai dit, tant pis, c'est un entraînement, il faut que j'y aille. Je vais prendre du plaisir. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Mon organisation, super, hein, vraiment, et puis très belle course, le fait d'avoir deux boucles, c'est très agréable parce que c'est vrai que ça permet d'avoir un peu un repère. Et finalement, bon an, mal an, avec le beau temps, l'ambiance, de bonnes sensations de course. Je m'étais fixée allure marathon, finalement j'ai été beaucoup plus vite. Et puis la deuxième partie, j'ai fini d'ailleurs, mon deuxième D-Born était plus rapide que le premier. En négatif speed. Donc, comment ? En négatif speed. En négatif speed, oui, tout à fait. Et vraiment rassurée. Bon, l'entraînement n'est pas fini. J'ai encore de belles séances encore devant moi. Mais c'est vrai que c'est positif. Je ne veux pas m'avancer. Alors Maria, tu peux nous rappeler quand même pour les auditeurs ton âge? J'ai 46 ans. C'est pas beau ça? Hein, 46 ans. Juste le temps. Jeune, hein, oui, exactement. Moi, j'aimerais juste savoir le temps qu'elle a mis, Maria. 1h34, hein. Oui, c'est ça, oui. 1h34. D'accord, mais ça fait mal pour certaines personnes aussi. Oui. Mais je ne cherchais pas le chrono, puisqu'en fait, je ne m'attendais pas. Alors, c'est sûr que si j'avais les jambes bien fraîches, je pense que j'aurais battu mon record et j'aurais fait un joli semi. Mais bon, ce n'était pas le but, puisque mon objectif final est le 1er mai, championnat de France de marathon, et puis surtout ne pas me blesser, arriver au championnat de France avec des jambes bien fraîches, et puis essayer de faire quelque chose de bien. Alors pour le 1er mai, après le 1er mai, on te rappellera, on va devoir te laisser, puisque notre émission va se finir, mais encore félicitations à toi pour ta course. Nous avons eu Mounir. Voilà, je voulais remercier quand même l'organisation, Pascal, le président du club de Cavaillon qui a été super, et tous les bénévoles, puisqu'en fait ils étaient tous présents et c'est une sacrée organisation. Donc de mettre toutes les personnes à disposition, de prendre le temps, Voilà, c'est, je trouve que c'est vraiment très beau de voir cette organisation. Donc un grand merci au club de Cavaillon, au président, à tous les bénévoles, voilà, pour ce bon moment passé avec tous les athlètes. Donc c'est vrai que c'est des bons moments que l'on partage. Merci Maria, merci pour ces jolies paroles. On se retrouvera le 1er mai, on n'oubliera pas de venir voir ce qui s'est passé pour le marathon, pour le championnat de France. À bientôt et bonne soirée et bonne semaine. Juste avant de vous quitter, puisqu'on touche à la fin de cette émission, je vous rappelle le rallye de Bonasque ce week-end. Bruce Caudron sera avec l'équipe de Top Chrono sur le rallye de Bonasque avec Jean-Yves. Le rallye de Bonasque démarre samedi matin du côté de l'Hôtel des Palus. L'arrivée dimanche après-midi du côté de Pernes les Fontaines. Il y a le fameux Col de Mur sur le programme. Et il y a plus de 140 voitures de ce rallye automobile qui sont au départ. Soyez prudents et allez vous faire plaisir. Allez voir le rallye de Bonasque. Bye bye, à très vite. Merci les gens. Le groupe Belloussi, votre spécialiste en sanitaire, chauffage, plomberie, partenaire des services des sports de Fly FM, vous offre ce programme.